Nun steht den Impfmördern zunehmend das Wasser bis zum Hals. Les meurtriers de la vaccination ont maintenant de l'eau jusqu'au cou. Les nouvelles lois annoncées pour le 25 août 2023 montrent bien qu'il en est ainsi. En effet, à partir de cette date, il y aura une menace claire de possible paralysie de l'ensemble du réseau Internet. Si quelqu'un diffuse, je vais le dire avec mes mots, un contenu politiquement incorrect. Cela vaut aussi bien pour Facebook que pour Twitter, Instagram, Meta, TikTok, Snapchat, etc. Tout simplement pour tous. Et ils sont tous contraints d'exercer une censure totale sur commande, sous la menace de peine maximale. Il n'y a qu'une seule raison à cela. Les meurtriers insolents ont de l'eau jusqu'au cou. Que ce soit sur le thème de la violence rituelle, des mensonges sur le climat, etc. Et en ce qui concerne la problématique de la vaccination, tout ce que le professeur Bagdi et tous ses collègues scientifiques avaient annoncé et contre quoi ils avaient mis en garde à temps est en train de se produire. C'est pourquoi ils ont de l'eau jusqu'au cou. Les cas de dommages dus au vaccin se multiplient à un tel point que même les médias grand public ne peuvent plus s'empêcher d'en parler. Mais celui qui pense à ce stade que toute la vérité sera enfin révélée ne comprend pas encore tout le jeu obscur. Je rappelle le fait mille fois prouvé que tous les médias grand public au sommet de la pyramide ne se trouvent qu'en très peu de mains. Et ce sont les mêmes mains qui ont une ferme emprise sur Big Pharma, sur la plus grande partie de la science, la plus grande partie de l'aérospatiale et tout le commerce de la guerre et ce genre de choses. Mais ce sont aussi les mêmes mains qui font avancer la folie du climat. Et c'est à ce stade que les choses deviennent sérieuses, pour nous tous. J'en appelle donc en premier lieu à tous les lanceurs d'alerte, qui que vous soyez, d'où que vous veniez et quel que soit votre niveau de compétence en dévoilement. Ne commettons pas d'erreurs stratégiques maintenant. Je vous demande de respecter les mêmes priorités stratégiques que celles que je viens d'imposer à toutes les rédactions de CLA TV. De quoi s'agit-il? Le fait est que les victimes de plus en plus nombreuses de la vaccination contre le Covid-19 ne peuvent plus être cachées. Le journal suisse Weltwoche a titré en avril « Confirmation officielle, la vaccination est dangereuse. L'Office fédéral de la santé publique ne recommande plus le vaccin contre le Covid-19. Les médecins qui continuent à vacciner sont désormais responsables. » Quel article incroyable! Philippe Gutt raconte ensuite comment, chez nous en Suisse, des doses de vaccins que nous avons payées et d'une valeur de 780 millions de francs sont donc jetées à la poubelle. Et tout cela parce que tout à coup, notre gouvernement ne soutient plus les vaccins Covid devenus inutiles. Le fait que cela ait été modifié en toute discrétion par notre gouvernement irrite bien sûr d'autant plus tous ceux qui entendent ça. Surtout ceux qui se sont fait vacciner en vain et à leurs dépens. Il y a eu tellement de victimes de la vaccination que les institutions fédérales et les agences de médias risquent lentement d'être démolies ou même incendiée par le peuple trompé, si elle n'affirme pas enfin toute la vérité sur l'horrible fraude au vaccin Covid et ses dégâts dévastateurs, car c'est un fait avéré que les victimes de la vaccination ne reçoivent aucune couverture sociale et aucune aide. Au lieu de demander des comptes à tous les responsables qui sont avec Big Pharma, La responsabilité est maintenant simplement transférée à tous les médecins et victimes de la vaccination. C'est le plus horrible de tout. Tout cela appelle naturellement la vengeance chez les personnes trompées. C'est pourquoi les meurtriers insolents, comme Goethe les appelait sans retenue, utilisent le vieux truc que des millions d'adultères ont déjà utilisé avec succès après avoir été pris en flagrant délit. Au lieu de reconnaître leur adultère et d'en assumer les conséquences, ils ont simplement inversé les rôles, montrant du doigt le conjoint non coupable et commençant à l'accuser de toutes sortes de fautes et de péchés. Et là, c'est toujours la même erreur qui se produit. Les innocents sont tellement touchés par ces accusations injustes lorsque le doigt est soudain pointé sur eux qu'ils commencent à se défendre et à se justifier auprès du conjoint coupable. Ils se retrouvent sur la défensive. Soudain, les rôles s'inversent et ce n'est plus l'adultère avéré qui est au centre des préoccupations, mais toutes sortes d'accusations contre les faiblesses du conjoint non coupable. Par exemple, que celui-ci est trop désordonné, trop négligé ou autre, ou qu'il est souvent en retard, qu'il a mauvaise haleine, etc. Voyez, et c'est exactement selon ce principe d'inversion de la culpabilité qu'agissent les grands meurtriers insolents, qui nuisent continuellement à des peuples entiers et qui les ont finalement conduits à la ruine avec leur injection anti-Covid mortelle et toutes les mesures contraignantes. Au lieu d'avouer maintenant les préjudices dévoilés et de reconnaître que leurs injections mortelles ont causé et causeront encore des dommages incommensurables, ils commencent à pointer du doigt le peuple qu'ils ont lésé. De cette manière, ils attirent en quelque sorte les victimes sur un terrain secondaire qui n'a absolument rien à voir avec la situation. Vous comprenez ? Mais ils le font quand même, car ils sont passés maîtres dans l'art de détourner l'attention vers des sujets secondaires. Par exemple, actuellement, ils détournent notre attention de leur génocide Covid justement en nous effrayant constamment avec la menace russe ou climatique. Vous comprenez ? Mais les personnes qui ont déclenché ces horreurs sont les mêmes que celles qui ont tiré et tirent encore les ficelles de toute l'histoire du Covid-19. Et leur problème est que de plus en plus de gens se réveillent et voient clair dans ce jeu obscur. Ils en ont de plus en plus marre de toute cette merde du mainstream. Ils ne se laissent plus envahir, effrayés et affolés chaque jour par des rumeurs de guerre. Et ces misanthropes, ces meurtriers insolents, s'en rendent compte. Et c'est précisément pour cela qu'ils essayent constamment de nous entraîner sur des terrains secondaires. L'un de ces terrains secondaires est leur philosophie mensongère sur le climat, leur choc climatique délibérément produit, leur folie climatique attisée. Et pourquoi font-ils cela une fois de plus? Pour détourner l'attention des crimes graves qu'ils ont commis avec les injections de poison Covid et les réglementations illégales, pour détourner l'attention de toutes les poursuites en responsabilité des innombrables victimes du vaccin. C'est pourquoi, dès les premiers aveux de dommages dus au vaccin, leurs médias de masse nous assourdissent déjà avec leurs grands cris sur les vagues de chaleur. Tout d'un coup, c'est la chaleur qui fait que les gens meurent comme des mouches en ce moment. Mais ce sont les dégâts des vaccins, vous comprenez? Tout à coup, c'est la chaleur. Printemps froid a été inférieur à la moyenne partout ou presque. Ils s'y accrochent maintenant, ou du moins ils essayent. De cette manière, ils cherchent en quelque sorte à détourner l'attention des montagnes de cadavres de leur cave. Et à ce stade, j'ai demandé à toutes les rédactions de CLAT TV de ne pas s'abaisser au niveau des discussions de bistrot, de ne pas tomber dans le piège de telle diversion et de ne pas se laisser manœuvrer sur toutes sortes de sujets secondaires. Par exemple, nous avons diffusé ces jours-ci une recherche fantastique qui montre que nous n'avons pas de vagues de chaleur particulières. Une recherche vraiment minutieuse, bonne et approfondie, qui montre en fait tout le contraire. De la Russie à l'Inde, de l'Allemagne à l'Espagne, de la Grande-Bretagne à la Mongolie, à l'Ukraine, etc. Mais malheureusement, sans aucun commentaire et sans aucun tollé, il a été sobrement rapporté comment justement Karl Lauterbach, ce ministre de la Santé, alimentait cette nouvelle panique liée à la chaleur et exigeait des conséquences très dures. Pardon ? J'étais profondément choqué par le fait qu'à ce point précis, nous n'ayons pas fait le calcul complet au sujet de ce criminel. Nous nous sommes ainsi retrouvés imperceptiblement sur le terrain secondaire souhaité. C'est du pur niveau des discussions de bistrot. Vous comprenez ? C'est pourquoi j'ai immédiatement demandé qu'à l'avenir, nous ne quittions plus des yeux tout malfaiteurs démasqués jusqu'à ce que ces crimes soient dûment et complètement jugés. Lauterbach, tout comme Drosten, Spahn et consorts, a été irréfutablement démasqué pour avoir induit le peuple en erreur de manière mortelle et pour avoir promulgué des ordonnances anticonstitutionnelles, illégales et génocidaires pour le peuple. Solche Männer haben doch eben noch ganze Völker geschädigt. De tels hommes viennent de nuire à des peuples entiers, que ce soit désormais ce seul et même homme qui, en toute impunité, serve les prochains mensonges destructeurs de peuples, n'est tout simplement pas possible. Comprenez-vous ? Nous, les lanceurs d'alerte, devons apprendre à penser de manière plus stratégique. Ces ennemis de l'humanité, nous devons les traîner en pleine lumière, jusqu'à ce qu'ils comparaissent devant un tribunal populaire. Car toute la justice semble avoir les mains liées, puisqu'elle ne lève pas le petit doigt de manière conséquente. Ainsi, à chaque nouvelle infamie de ces Lauterbach, nous devons d'abord marteler à nouveau dans la conscience des peuples les crimes qu'ils ont déjà commis contre l'humanité et exiger leur incarcération. De telles personnes doivent être emprisonnées. En outre, il faut sans cesse ranimer et approfondir le fait que même des personnes comme Lauterbach, Drosten et Spahn ne sont que des petites marionnettes dans le grand jeu politique ou plutôt économique. Ils sont utilisés, ils sont dirigés. Nous sommes gouvernés par des cercles totalement différents de ceux auxquels on nous fait croire tous les jours. Faites comprendre cela aux gens. Nos politiciens élus ne sont malheureusement que des marionnettes impuissantes, asservies par les lois les plus absurdes, notamment la police, etc., et manipulées par une satanée mafia de sociétés secrètes. Vous comprenez ? Nos émissions doivent donc toujours garder un œil sur les criminels déjà démasqués et leurs crimes, les rappeler et mettre leurs nouveaux crimes à la lumière de ceux qu'ils ont déjà commis et qui n'ont pas été punis. C'est ainsi qu'il faut agir, vous comprenez ? Sinon, comme les bavards des bistrots, nous ne faisons que justifier et nier leurs derniers crimes. Comme je l'ai dit précédemment à propos du conjoint trompé. Au lieu de garder le doigt sur l'adultère avéré de son partenaire et d'insister aussi longtemps sur ce fait, le trompé se laisse prendre aux manœuvres de diversion de l'auteur de la tromperie et commence à se défendre, commence à glisser dans la défensive au lieu de rester dans l'offensive, où se trouve la seule chance de prendre le dessus. Et c'est précisément à cause de cette erreur que les personnes trompées finissent par couvrir les escrocs encore mieux que ceux-ci ne pourraient se couvrir eux-mêmes. La défensive couvre cette bande. Je vous en prie, vous tous qui êtes des lanceurs d'alerte et des assistants de la vérité, mettez en œuvre cette stratégie impérative, comme nous le faisons nous aussi à CLA TV, de manière d'autant plus conséquente. Révélons au grand jour les assassins insolents qui ont été démasqués et martelons leurs méfaits dans la conscience des peuples, jusqu'à ce que la justice les sanctionne, et ce jusqu'au plus haut niveau, ou jusqu'à ce que des millions de vénérables concitoyens se rassemblent pour convoquer des tribunaux qui régleront légalement et réellement leurs comptes à ces grands criminels. Si nous n'obtenons pas gain de cause, le même Lauterbach, qui a contraint tant de gens à mourir ou à se faire mutiler sur ordre d'en haut, va maintenant nous imposer à tous ses turpitudes. Vous le verrez de vos propres yeux. Et il continuera à marteler dans nos têtes notre culpabilité pour le climat jusqu'à ce que tout le monde, dans une attitude défensive, ne cesse de balancer de nouveaux contre-arguments. Au lieu de cela, la voix des peuples doit se faire de plus en plus forte pour que le règlement des comptes exigés est extrêmement nécessaire avec Lauterbach, Drosten, Gates et tous les autres se fasse jusqu'au dernier coupable. Les peuples ne doivent pas accepter qu'on continue à leur refiler les cadavres et les coups engendrés par ces criminels, ou que l'on déclare sournoisement que tous les morts de la vaccination sont des morts dus à la chaleur, afin de les cacher. Sinon, nous passerions tous pour les coupables parce que nous expirons trop de CO2 et ce genre de bêtises. Vous comprenez? Je résume. Il est certes nécessaire de démasquer tous les nouveaux mensonges et d'exposer les contre-arguments. Mais nous ne le ferons qu'après avoir montré que ces manœuvres de diversion sont désormais le fait de ceux-là même qui viennent de nous induire globalement en erreur et qui n'ont pas été tenus de rendre compte de leurs actes. Nous autres, les lanceurs d'alerte, nous devons nous rassembler dans le même sens et exiger stratégiquement que tous les dommages causés par les vaccins soient payés uniquement par Big Pharma et ses vassaux. Par l'industrie pharmaceutique. Vous avez bien compris? Pas par nos caisses d'assurance maladie, ni même par nos dons généreux. Car il est totalement illégal que Big Pharma ait pu, avant son expérience vaccinale négligente et mortelle sur les peuples, s'immuniser contre les poursuites judiciaires et qu'elle soit la seule à profiter de ce grave préjudice. Et ce, en milliards de dollars. Nous devons insister pour que tous ces malfaiteurs soient punis jusqu'à ce que leurs méfaits soient expiés. Comme personne ne les a arrêtés, ils ont pu faire porter toute la responsabilité des dommages causés par les vaccins aux médecins et aux personnes qu'ils ont lésées. Et en fin de compte, bien sûr, à nous les peuples trompés. Ne tolérons donc pas non plus que les dommages causés par les vaccins puissent être pris en charge par les caisses d'assurance maladie. C'est le grand combat permanent sur le terrain secondaire. Car c'est nous, le peuple trompé, qui supportons ces coûts, vous comprenez? Tous les dommages causés par les vaccins doivent être révélés en tant que tels. Et les coûts, ainsi que les dommages et intérêts, doivent être transférés aux véritables criminels. Big Pharma, l'OMS, que l'on n'a pas puni non plus et qui veut maintenant instaurer une dictature mondiale de la santé, et tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, à tout ce désastre, à tout ce génocide. Ils doivent payer. Nous devons les faire passer à la caisse. Si nous n'y parvenons pas, à partir du 25 août 2023, nous serons potentiellement privés de toute dernière possibilité d'atteindre un nombre suffisant de personnes via les médias sociaux, car le droit légal à la censure totale sera alors potentiellement introduit. Alors les menteurs et les assassins insolents auront seuls la parole via leurs médias, et nous, les peuples, porterons le chapeau pour tout cela et perdrons tout jusqu'à notre dernière chemise. Totalement sans défense, totalement sans espoir, totalement sans droit. Devenons donc ensemble synergiques. Intensifions le dévoilement jusqu'à ce qu'il y ait un tribunal populaire légitime, s'il n'y a pas d'autre solution. Sans cela, il semble qu'à plus ou moins long terme, il n'y ait plus aucune perspective de véritable justice. Dans les sources de l'émission, vous trouverez d'ailleurs un lien vers une nouvelle ONG qui explique en détail aussi bien la condition préalable que le chemin vers un tribunal populaire légal. Je suis Ivo Sasek, qui se tient devant Dieu depuis 47 ans. Ich bin Ivo Sasek, der seit 47 Jahren vor Gott steht.